Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Ça ressemble presque à un dimanche normal, vu que on est en direct juste après le Freaky Mix qui lui-même a eu lieu en direct. Alors ça ressemble presque à un dimanche normal d'il y a bientôt 2 ans. Allez, on va pas être pessimiste non plus, hein, bienvenue à toutes et à tous, sur notre créneau historique en plus 21-23. Plein de très très bonnes choses toujours à s'écouter ce soir. Assez peu de nouveautés suite au très gros renouvellement des 2 précédentes émissions. Cependant, on ouvre avec une nouveauté. D'ailleurs, c'est 2 formations de vétérans pour la première doublette de ce soir. Et on ouvre surtout avec les Suédois de Hypocrisie, le groupe de Death Mellow. Ça fait partie de ces groupes qui ont donné leur lettre de noblesse à toutes les formations de Death Mellow Death venues de Suède. Toujours dans cet état d'esprit futuriste, aliénesque, etc. Donc ce nouvel effort studio s'intitule Warship, l'artwork parle de lui-même. On est sur une espèce d'énorme crossover entre E.T., Stargate et une décimation du peuple Inca. Pour résumer, hein, bien sûr, après l'artwork qui est d'une richesse incroyable. Une sortie toujours chez les Allemands de Nuclear Blast, et puis la doublette d'Hypocrisie, également une sortie Nuclear Blast, Exodus, les vétérans du trash ricain qui sortent Persona non grata. Énième effort studio pour la formation venue des États-Unis. Un album d'Exodus classique. Donc pas mauvais, pas excellentissime non plus, mais toujours très très efficace et bien incisif. J'ai envie de dire comme on aime, même si encore une fois moi, je préfère Rob Dukes au micro. Dead World, le titre de Hypocrisie, en espérant qu'il soit pas trop prémonitoire. REMF, signé Exodus juste après, et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. La doublette suivante, deux salles, deux ambiances. Tout d'abord, les Allemands de Der Wegener Freiheit, la formation de Black plus, nous sort son nouvel effort studio, le cinquième, intitulé Noctum. Ce nouvel effort studio est déjà dispo via le label français 69 Mist. Et en doublette avec Der Wegener Freiheit, on va s'écouter le groupe de hardcore venu d'Angleterre, Knuckle Dust. Ils nous sortent là un nouvel EP, In Plain Sight. On est sur du Knuckle Dust qui ne se renouvelle absolument pas et qui reste toujours qualitatif et efficace. Une pochette d'album très à la mode, très tendance, hein. Je dirais qu'à peu près chaque groupe emblématique de chaque capitale du monde a sorti, on va dire ces 18 derniers mois, une pochette avec un de ces monuments historiques en proie à la désolation et au chaos. On a eu ça en France avec la Tour Eiffel et Paris en train de s'écrouler sur elle-même. Là, c'est une vue de Big Ben. Knuckle Dust, le titre Dragged Through Life, et juste avant ça, Der Wegener Freiheit avec le morceau Morgan. 21h24 et 30 secondes à la police, pas du tout, à la pendule de Radio Béton. Vous êtes toujours bien à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les rondes, oh la vache, ça va être longue cette émission, sur les rondes de Radio Béton. Et voilà, on est ensemble péniblement jusqu'à 23h, vu comme c'est parti. Et heureusement, pour me relayer au micro, on retrouve une fois de plus Thibaut, parce que ce soir, il y a du focus en quantité. Ouais, trois petits focus ce soir. Déjà, ça va être une bonne. Puis des groupes que j'ai vraiment aimés. Bon, généralement, c'est quand même des groupes que j'ai aimés hein, dans les focus. Mais voilà. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Pour ce focus, on va du côté de New York. Et on va voir un de mes petits péchés mignons, c'est-à-dire le heavy trad. Tout ce qui est un petit peu revival et tout ça de heavy metal. Le groupe Tower qui sort son deuxième album. C'est une formation qui a été faite en 2015 de ce groupe, donc c'est assez récent. Ils font donc, comme je disais, du heavy trad, vraiment purement heavy metal. Il y a pas à chier. Et justement, la dernière fois qu'on s'est vu en direct, on a plaisanté un petit peu parce que en termes de communication, c'est un petit peu catastrophique, que ce soit les photos promo et tout ça, et ça vend pas du rêve. C'est ultra cliché de ouf. Et enfin, je sais pas, on avait. Ah bah, sur le papier, c'est. Enfin, voilà, heureusement que Sylvain prend globalement le temps de porter une écoute à tout ce qu'on reçoit, à tout ce qui sort, voir ce qui peut entrer dans le cadre de la diffusion de l'émission. Parce que là, oui, enfin, la photo promo. En fait, enfin. Comment dire, la photo promo illustre bien le fait que Tower fait du heavy metal traditionnel. Si vous voulez, il y a 5 Zikos dans le groupe. On a... alors, je te coupe pas l'herbe sous le pied. Non, vas-y. Tu présenteras le dernier membre du groupe. On en a un qui est sorti tout droit, de l'époque transitoire entre le grunge, le punk et le heavy metal. On en a un qui s'est échappé de chez Motorhead. Et on en a un qui s'est échappé, on sait pas trop quoi, la scène très hard psyché 70s. Et on en a un par contre qui a un espèce de faux air de Mitch Harris, ancien guitariste de Napalm Death. Donc voilà, en fait. Stylistiquement sur la photo promo, puis bon, la photo aurait pu être prise dans les jardins de Villandry, je dirais ok, il y a aucun problème. Ouais, avec non, mais ça. C'est, il y a rien qui va. Il y a rien qui va en termes de style, d'attitude, de pose. Ils sont dans un jardin public et ils posent sur un banc. En fait, ça fait l'espèce de photo de classe ratée. C'est vraiment les cancres du front de la classe. C'est ça. C'est ce qui leur sert de photo promo. Donc voilà. Je pense que tout à l'heure, tu prendras le temps de parler de l'artwork de l'album. Ouais. Et est-ce que enfin, je sais pas à quel moment tu as prévu de parler du cinquième membre de la formation. Du coup, peut-être. Enfin, j'allais y venir un petit peu, donc on va pouvoir en discuter. On en reparlera tout à l'heure, parce que. Mais cette cinquième personne a également une place très importante au sein de cette photo promo. Ouais, voilà. Mais ce qui est génial, enfin, la grosse claque, en fait, ça a été juste après qu'on ait discuté en regardant un petit peu la photo promo du groupe et tout ça, c'est d'entendre le morceau et de faire putain, ça marche de ouf, en fait. C'est trop bien ce qu'ils font. Donc là, c'est leur deuxième album. Ils ont fait un album en 2016, juste avant, qui est un album éponyme qui s'appelle Tower, qui est déjà très bon, qui est beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'ils ont fait là sur ce nouvel album. Ils ont enchaîné avec un EP en 2019, c'est un petit 4 titres qui s'appelle Tomorrow and Yesterday. Ils ont fait un clip du morceau Run for My Life, alors plus cliché, tu meurs. Mais le clip, il est ultra kitsch, mais génial. Il y a tout qui fonctionne, c'est génial. C'est vraiment un amoncellement, une espèce d'énorme sandwich à tous les gimmicks du heavy traditionnel. Et alors, les Suédois hein, sont très très bons pour ça. Et là, pour le coup, cette formation ricaine, on les classe direct dans le haut du panier, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, en plus, les pochettes du premier album et du premier EP, elles sont absolument immondes. Particulièrement l'EP, c'est n'importe quoi. C'est une chaussure en feu. Ah ouais, non mais c'est... Okay. Sur le coup, vraiment, il n'y a rien qui est fait pour que t'accroches, et pourtant, musicalement, ça bute. Donc ce nouvel album, il s'appelle Choke to the System. Il est signé chez Cruz del Cher. Et en fait, en grattant un peu, c'est un label qui est italien, et qui est le label parent du label Gates of Hell. donc qui a sorti les dernières pépites en termes de heavy metal cette année et l'année précédente. Puis c'est vrai que Cruz del Sur, on a régulièrement d'excellentes sorties. C'est un petit peu comme Tony Buckspin ou effectivement Gates of Hell. Ils ont, les personnes qui gèrent ça, elles ont le pif vraiment pour dire ce groupe-là, faut le faire découvrir. Il est génial. Carrément. Et voilà. Alors après sur le line-up, dans le sens, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où ils sont pas très connus. Mais donc c'est une chanteuse qui a une voix qui est particulièrement, enfin qui est un petit peu éraillée et tout. Moi c'est des voix desquelles je suis très fan. Et justement sur cette photo promo, oui, et qu'elle est, enfin elle est complètement nue sous une veste, une espèce de toge. Ouais, c'est, enfin encore une fois il y a rien qui va, c'est rouge. Mais rouge sang vraiment. Ouais, et elle a le teint très pâle, un gros rouge à lèvres, rouge comme sa robe. Et là par contre elle dans son apparence, on est strictement dans le style coven. Oui, complètement. Voilà, de nouveau, ça nous envoie dans les années 70 en termes d'attitude. Enfin, ouais, la photo promo a aucun sens. Non, c'est ridicule et un petit peu touchant aussi. C'est vraiment l'aspect nanar un petit peu du truc qui c'est ressort. C'est complètement ça. Visuellement, c'est du nanar heavy metal. Par contre, ouais. Musicalement. On va peut-être s'en écouter un petit morceau parce que je vois l'heure qui tourne. Exactement. Bon, pour ce soir, j'ai choisi le morceau Prince of Darkness. C'est original de ouf. Et je trouve que c'est un morceau qui justement met en valeur énormément le chant. Et en fait t'as un mid-tempo au début qui fait monter le truc et qui laisse vraiment la superbe au solo qui conclut le morceau. Donc voilà, c'est parti. Tower, petit titre pour s'illustrer le focus. Oh, donc on vient de s'écouter un titre de Tower, Prince of Darkness. C'était pour faire une petite coupure dans le focus que l'on est en train de faire et de suivre surtout. On retrouve Thibaut pour la clôture de ce premier focus. En résumé, ça marche super bien. C'est vraiment super cool. En toute sobriété. Complètement. Enfin, c'est tout ce qu'on aime dans le style. Enfin, là, un peu moins sur ce morceau-là, mais t'as certains morceaux où t'as des refrains qui te rentrent dans le crâne. T'as juste envie de les hurler chez toi dès que t'es en train de les écouter sous la douche. Enfin, tout ce qu'on attend du heavy, hein, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on en parlait un peu en off, mais je l'avais noté aussi. C'est la voix de la chanteuse, je trouve qu'elle a un truc qui est. J'arrive pas. Toi, t'as peut-être mis plus le doigt dessus. Sur le truc qu'elle a dans la voix, mais justement ce côté à la fois très chanté, mais un côté glavio qui est bloqué quand même. C'est rugueux, c'est ça, ce grain de glavio bloqué au fond de la voix. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'en fait, sur les parties simples, entraînantes, machin, on a l'impression qu'elle est dans la retenue. Et en fait, dès qu'on se dit, ouais, en fait, elle n'est pas capable de monter, machin, et en fait, elle va pousser des putains de screams aigus tout en conservant ce grain très. Très punk, très rock, et comme on disait en off, comme les chanteuses qui s'éclataient les cordes vocales à la Pat Benatar, Tina Turner et Lita Ford, qui étaient justement à cette espèce de frontière entre le rock et le hard rock. La chanteuse, elle est clairement dans cette tradition vocale et. Batterie un peu faiblarde, manque un petit peu de patate. C'était dans les trucs que j'allais aborder juste derrière. La batterie, c'est le désert absolu. Enfin, c'est Tupac, et puis ça s'arrête là. Et Shakur. Ouais, c'est triste de ouf. Mais heureusement, t'as le chant qui rattrape et des compos de gratte qui sont sans être incroyables, qui portent le truc quand même et qui arrivent à être accrocheuses comme il faut, quoi. Enfin, moi, vraiment, ce qui me touche, comme d'hab, c'est juste cette sincérité qu'il y a. C'est hyper authentique, c'est true, comme il faut. Ils croient en ce qu'ils font, et je trouve que c'est hyper remarquable, et moi ça me touche personnellement, quoi. Comme je crois en la pochette de leur album. Exactement. Très bien, parfait, c'est clôturé pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Parfait, donc voilà, c'était la clôture de ce premier focus pour ce soir. On enchaîne avec la doublette suivante, tout d'abord Anomalie. Et là c'est pareil, sans glisser sur un focus, tu vas avoir 2-3 mots à nous dire sur cette formation australienne qui sort son... autrichienne, pardon, ouais. Qui sort son quatrième effort studio Transformation. Je trouve qu'il nous avait habitué à mieux. Anomaly, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et là, l'album, alors il est loin d'être mauvais, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on en parlait un peu du coup avec Sylvain aussi en off. L'album, il a un petit peu peut-être plus de prise de risque que les précédents, mais du coup, je sais pas, je me suis pas retrouvé dans les ambiances et par rapport à d'autres groupes du style qui ont sorti des albums récemment, voilà. C'est pas le plus notable et c'est dommage parce que clairement, quand j'ai vu une sortie d'Anomaly, je l'ai noté tout en haut dans le truc faire un focus dessus. Et à l'écoute, mouef. Sans plus, quoi. De toute façon, quand on pense post-black, comme il le propose, Anomaly, on pense forcément à Rakiri for the Sky. Pas très loin, les Allemands de Agrippny. Mais ouais, non, là, pour le coup, Anomaly n'est pas au niveau de, notamment tes attentes. Donc c'est pour ça qu'on n'en parlera pas plus que ça. Cependant, l'album est déjà dispo chez Art of Propaganda. Et dans la foulée, on va s'écouter un titre du nouvel effort des Ricains de Pathologie, le groupe de Brutal Death, Slam Death. The Everlasting Plagues, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Je trouve qu'il y a une espèce d'évolution qui tend à des inspirations abortides sur ce nouvel album. Il y a des fois, je trouve ça limite avec du Brutal Death un peu trop moderne à mon goût. Et puis le morceau d'après, on retrouve cette espèce de Slam Death ultra primitif, donc je suis rassuré à ce moment-là, parce que avec une signature chez Nuclear Blast, on avait de quoi s'inquiéter. Engaging in Homicide, c'est le nom de ce nouvel effet sur studio, le titre qu'on va s'écouter, pardon, pour Pathologie, et juste avant ça, Anomaly avec le titre Eternal Burden. Oh, On enchaîne maintenant avec tout d'abord Swallow the Sun, la formation scandinave venue plus précisément de Finlande, qui nous fait du mélodique doom death un peu gothicisant. Moonflowers, c'est le nom de leur nouvel effort studio, une sortie déjà dispo chez Century Media. Swallow the Sun, j'en parle pas plus que ça, parce que je sais que c'est un groupe d'envergure et pourtant ça me parle absolument pas. Et dans la foulée, Black Label Society, le groupe bien sûr toujours emmené par Zach Wilde, ils sortent là leur nouvel effort studio Doom Crew Inc. Black Label Society, fille du Black Label Society, hein, on enchaîne les balades, les titres Heavy Southern, les solis à péter les cordes, et voilà, ça reste toujours très plaisant à écouter Black Label Society. Et puis bah, Zach Wilde, c'est un vocaliste que j'aime beaucoup, en plus d'un très bon guitariste. Swallow the Sun, on va s'écouter le titre Enemy, et juste ensuite Black Label Society avec le morceau Destroy and Conquer. Yeah.